Le livre de la Genèse. Ouvrons notre Bible à la première page de la Genèse et lisons ensemble le tout premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte original hébreu, aucun en-tête ne précède ces mots. Au commencement est effectivement le vrai titre du premier livre de la Bible. Or, on ne pourrait mieux résumer son message. La Genèse est le livre des commencements. Elle nous présente les origines de l'univers, de l'homme, de la société et des nations. Tout provient d'une cause et la cause explique les faits. En nous révélant l'origine des choses, la Genèse nous dévoile les causes profondes des grands faits de l'histoire. Elle contient le germe de toutes les vérités bibliques. Elle est l'introduction inspirée de toute la parole divine. Elle en est le fondement. Si on l'enlevait de la Bible, tout l'édifice s'écroulerait. Nous avons dit que la Genèse est le livre des commencements. Aussi révèle-t-elle le temps sortant de l'éternité, l'univers surgissant du néant et l'homme suscité par le Créateur. Elle décrit aussi l'irruption du péché dans le jardin d'Éden, l'origine de la souffrance et de la mort, le point de départ de la civilisation, de l'industrie, des arts, des peuples et des langues. Elle nous montre les premiers développements du plan divin de salut pour le monde. Enfin, elle nous présente les ancêtres du peuple d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Mais revenons à ce premier verset de la Genèse que nous avons lu tout à l'heure. Au commencement, Dieu. En hébreu, ce mot « Dieu » présente une forme grammaticale inattendue, puisqu'il apparaît avec une terminaison plurielle. N'est-ce pas l'évocation de la Trinité divine, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tous trois déjà à l'œuvre dans ce lointain commencement? Mais Dieu, Elohim, ce nom pluriel, est suivi en hébreu d'un verbe au singulier. C'est l'indice de l'unité absolue de la Trinité où les trois agissent de concert, Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, Dieu le Fils, par qui toutes choses ont été créées, et je cite ici l'apôtre Paul, et Dieu le Saint-Esprit, que le deuxième verset de la Bible nous présente comme une puissance déversant sa vie sur notre planète. L'authenticité du livre de la Genèse a été contestée, et il est bon de relever le défi posé par certains critiques qui ont vu dans le premier livre de l'Écriture une série de documents hétéroclites que des scribes israélites auraient assemblés en une période nettement postérieure à Moïse. Ainsi, en raison de l'alternance des noms divins Elohim et Yahvé, en français Dieu et l'Éternel, certains spécialistes ont classé les passages de la Genèse par catégorie récits éloïstes, récits yahvistes, auxquels ils ont encore ajouté les récits dits de la tradition sacerdotale. Mais ramener ainsi le texte biblique au niveau d'une rédaction profane, ou faire de la Genèse une mosaïque de récits assemblés par quelque habile compilateur, ce n'est pas tenir compte d'un fait capital et déterminant, celui de l'inspiration des Écritures. Nous affirmons ici, avec des multitudes de commentateurs versés dans la science de la Bible, que Moïse est l'auteur de la Genèse. Qu'il ait eu à sa disposition un certain nombre de documents écrits importe peu. Le Saint-Esprit a présidé lui-même à l'élaboration du texte sacré. Il a subjugué l'esprit de Moïse dans sa tâche d'écrivain. Il a écarté les éléments qui ne devaient pas entrer dans sa rédaction et il a incorporé les faits que Dieu désirait nous communiquer. Les divisions arbitraires auxquelles on a recouru pour analyser la Genèse, et ces divisions, hélas, sont signalées dans les commentaires de certaines Bibles, n'ont qu'une importance très secondaire. Elles s'estompent au profit de considérations primordiales, surtout lorsqu'on étudie la Genèse sous l'angle de son message. Nous l'envisagerons donc avec vous sous trois grandes perspectives que trois mots résument fort bien. Génération, chapitre 1 à 2. Dégénération, chapitre 3 à 11. Régénération, chapitre 12 à 50. Tout d'abord, génération. Les deux premiers chapitres de la Genèse nous décrivent la création du monde et celle de l'homme. Tout en étant d'une simplicité surprenante, ce récit demeure en parfait accord avec les affirmations de la science moderne. Ainsi, l'apparition de la lumière précède celle du disque solaire, les végétaux sont antérieurs aux animaux, les grands poissons devancent les mammifères, et l'homme n'arrive qu'en dernier. À l'origine, Adam était une créature merveilleuse, capable de dominer sur tous les animaux. Il vivait en plein accord avec Dieu dans le plus beau des jardins. Nombre de limitations physiques et surtout les maladies ne sont intervenues que plus tard. Mais, après le récit de cette génération parfaite sortie des mains du Créateur, survient une catastrophe. Adam et Ève doutent de Dieu et tombent dans le péché. C'est ainsi que s'ouvre la seconde section de la Genèse. Nous la résumerons par un mot, dégénération, qui est un synonyme de dégénérescence. Comme le péché flétrit tout dans nos vies, il se situe également à l'origine de tous les maux de l'humanité. Par sa désobéissance, Adam a perdu la communion avec Dieu et il a hérité le joug de la souffrance. C'est le sujet du chapitre 3 de la Genèse. Puis la première famille est marquée par le meurtre de Caïn, Genèse 4. Les patriarches antédiluviens succombent à la mort, Genèse 5. En Genèse 6 et 7, la société se corrompt à tel point qu'il faut que Dieu la juge et l'extermine par les eaux du déluge, et une seule famille échappe au désastre. Noé et les siens sont à peine sortis de l'arche, Genèse 8, que réapparaissent les symptômes du vice inné au cœur de l'homme, Genèse 9. Quant aux nations à l'état embryonnaire, elles n'échappent pas non plus à l'infection du mal. C'est le sujet de Genèse 10. Et devant la première manifestation de leur orgueil collectif, le Tout-Puissant confond leur langage, puis les disperse sur toute la surface de la terre, ce que raconte Genèse 11. Entre la deuxième et la troisième section de la Genèse, le chapitre 11 est une charnière. Comme la société humaine s'organise sans Dieu, l'Écriture sainte n'y fera plus guère allusion. Cependant, la dégénération de l'humanité n'a pas annulé les plans de grâce de l'Éternel en sa faveur. Dieu est prêt à recommencer. À vrai dire, il poursuit son plan de salut pour les hommes, ce plan qui peut se résumer par un mot, régénération. Or, si la dégénération a frappé successivement l'homme, la famille, la société et les nations, par la régénération, Dieu recommence au point de départ, il choisit un homme, Abraham, qu'il arrache à son pays pour le conduire en Canaan, Genèse 12 à 16. Puis il établit une famille, les patriarches, en concentrant sur elle les promesses, Genèse 17 à 36. Ensuite, il préserve la société de la famine par le moyen de Joseph, Genèse 37 à 41. Et Joseph sera, en dernier ressort, le moyen de salut de la future nation d'Israël, Genèse 42 à 50. Lorsque Dieu, dès le chapitre 12 de la Genèse, concentra son attention sur Abraham et sur sa descendance, c'est comme s'il avait porté ses regards sur la source pure d'un petit filet d'eau avec lequel il se proposait de régénérer le fleuve de l'humanité tout entière. Abraham allait apprendre à marcher par la foi dans la dépendance de l'Éternel. Il ne sera pas seulement l'ancêtre d'Israël et de beaucoup de peuples sémites, l'Écriture le nomme le Père des croyants. Aujourd'hui encore, il nous montre la voie excellente aboutissant à la certitude de notre salut. Voici ce que l'apôtre Paul écrivait beaucoup plus tard au sujet d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous vous avons lu les versets 20 à 25 du chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Abraham a cru, et sa foi lui fut imputée à justice. Dieu l'a béni parce qu'il lui a fait confiance. Ne voulez-vous pas à votre tour croire comme Abraham? Le père des croyants a jeté par-dessus 2000 ans d'histoire un regard de foi sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre expiatoire. Lisez donc le chapitre 22 de la Genèse et vous verrez que le patriarche accepta le suprême sacrifice, affirmant par avance sa foi en la résurrection. En Isaac, son fils unique, qu'il avait lié sur l'autel, il voyait la personne du Fils unique de Dieu offert volontairement en sacrifice pour le salut des hommes. Aujourd'hui, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à la multitude des croyants qui ont Abraham pour père spirituel, en regardant par la foi, non pas 2000 ans à l'avance, mais 2000 ans en arrière, à ce même événement historique de la croix du calvaire où Jésus-Christ est mort pour vous? Relisons la déclaration de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, y ajoutant cette fois le verset suivant qui se trouve au début du chapitre 5. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Votre certitude repose sur l'œuvre parfaite accomplie pour vous par Jésus-Christ au calvaire, où il a été livré pour vos offenses avant de ressusciter pour votre justification. Et votre certitude repose encore sur la déclaration absolue de la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.